الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous continuons la lecture et la traduction donc du livre de Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah sur l'innovation, sa définition, ses catégories et son jugement. Nous avons déjà fait l'introduction, puis le chapitre 1 qui correspondait à la définition de l'innovation, ses catégories, ainsi que son jugement. Maintenant, hier nous avons commencé le chapitre 2 avec l'apparition de l'innovation dans la vie des musulmans et les causes qui ont mené à cela. Donc on a vu la première partie qui consistait à voir l'apparition de l'innovation dans la vie des musulmans, et on avait vu les deux points que sont quand l'innovation est-elle apparue, et le deuxième point c'était où ces innovations-là, les endroits d'apparition des innovations. Donc on va continuer avec le deuxième point dans ce deuxième chapitre. ثانياً الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. Les causes, deuxièmement, les causes qui ont mené à l'apparition des innovations. Donc vous voyez, le cheikh, hafidhahullah, montre tout dans le détail. La définition, le jugement, les différents types de bid'a, où ça a commencé, quand ça a commencé, et là on voit maintenant les causes qui ont mené à l'apparition des innovations. يقول الشيخ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله il a écrit كتب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مما لا شك فيه أن الاعتصام بالكتاب والسنة فيه مناجات من الوقوع في البدع والضلال قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Ce sur quoi il n'y a aucun doute, c'est que sur le ferme attachement au livre et à la sunna, il y a en cela une protection contre le fait de tomber dans l'innovation et l'égarement. Allah le Très-Haut a dit dans la traduction du sens du verset « Et ceci est ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les autres voies qui vous écartent de sa voie. » وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cela dans ce que rapporte Ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé un trait sur le sol, puis dit ceci est la voie d'Allah. Puis il traça des traits à sa droite et à sa gauche, yani à la droite et à la gauche du premier trait. Il dit alors, et ceux-là sont des voies. Sur chacune de ces voies, il y a un diable qui invite à celle-là. À ces voies-là, qui sont sur les côtés. Puis il récita, et ceci est ma, dans la traduction du sens du verset 153 de Sourate Al-An'am, et ceci est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc. et ne suivez pas les autres voies qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous a enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. فمن أعرض عن الكتاب والسنة تنازعته الطرق المضلة والبدع المحدثة فالأسباب التي أدت إلى ظهور البدع تتلخص في الأمور التالية الجهل بأحكام الدين اتباع الهوى التعصب للآراء والأشخاص التشبه بالكفار وتقليدهم ونتناول هذه الأسباب بشيء من التفصيل. Quiconque se détourne donc du livre de la Sunna, les voies égareuses et les innovations inventées l'y précipitent. Donc les causes qui ont mené à l'apparition des innovations se résument dans ces circonstances suivantes. L'ignorance quant aux jugements et aux règles de la religion, le suivi des passions, l'entêtement aux opinions et aux personnes, et l'imitation des mécréants et à leurs traditions. Nous allons donc prendre chacune de ces causes en y détaillant quelque peu. السبب الأول الجهل بأحكام الدين. La première cause qui fait que les gens tombent dans l'innovation, c'est l'ignorance des jugements, des règles de la religion. كلما امتد الزمان وبعد الناس عن آثار الرسالة قل العلم وفشي الجهل كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. À chaque fois que le temps s'allonge et que les gens s'éloignent du temps du message prophétique, la science s'amoindrit et l'ignorance se répand. Ceci comme l'a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam par sa parole, « Quiconque d'entre vous vivra, verra alors beaucoup de divergences. » Et sa parole, certes Allah ne retire pas la science en l'enlevant ainsi des cœurs des serviteurs, mais il la retire en retirant les savants par leur mort. Jusqu'à ce qu'il ne serait-ce un savant, les gens prendront des dirigeants ignorants qui seront ainsi questionnés et feront des fatwas sans science, s'égarant ainsi et égarant. فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء فإذا فقد العلم والعلماء أوتحت الفرصة للبدع أن تظهر وتنتشر ولأهلها أن ينشطوا. Nul ne peut lutter contre les innovations que la science et les savants. Donc si la science et les savants sont absents, cela donne l'opportunité aux innovations d'apparaître et de se propager, et que ces gens, yani les gens d'innovation, deviennent ainsi actifs. La seconde cause qui font que les gens tombent dans l'innovation, le suivi des passions. Man a'rada 'an al-kitab wa as-sunnah ittaba'a hawa kama qala ta'ala فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Quiconque se détourne du livre de la Sunna suit ses passions, tel qu'a dit le Très-Haut dans la traduction du sens, et s'ils ne répondent pas à ton appel, sache qu'ils ne font que suivre leurs passions. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guider d'Allah? وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. Et le Très-Haut a dit dans la traduction du sens, Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment et scelle son nuit et son cœur et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? L'innovation n'est que la trame de la passion suivie. La troisième cause qui fait que les gens tombent dans l'innovation, l'entêtement aux opinions des hommes. التعصب لآراء الرجال يحول بين المرء واتباع الدليل ومعرفة الحق. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آباءنا. L'entêtement aux opinions des hommes s'immisce entre l'individu et le suivi de la preuve et la connaissance de la vérité. Le Très-Haut a dit, dans la traduction du sens, et lorsqu'il aurait dit « Suivez ce qu'Allah a fait descendre », ils dirent « Mais nous suivons ce sur quoi nous avons trouvé de nos ancêtres ». وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب والصوفية والقبوريين إذا دعوا إلى اتباع الكتاب والسنة ونبذ ما هم عليه مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم ومشايخهم وآبائهم وأجدادهم. Et ceci est l'état des entêtés actuels parmi les suiveurs du madhhab des soufis et de la voix des soufis et des adorateurs des tombes, s'ils sont invités au livre et à la sunna, et de cesser ce sur quoi ils sont, de ceux qui les opposent, lorsqu'il leur est demandé de suivre le livre et la sunna, ils se mettent à prendre pour preuve leur voix, leur madhhab, leur mashayikh et leur père et grand-père. السبب الرابع التشبه بالكفار. La quatrième cause qui fait que les gens tombent dans l'innovation, c'est l'imitation des mécréants. التشبه بالكفار هو من أشد ما يوقع في البدع. كما في حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. وللمشركين سدرة عاكفون عندها وينيتون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. L'imitation des mécréants est la pire des causes faisant tomber dans l'innovation, tel que le hadith où Abi Waqid al-Laythi qui a dit: nous sommes sortis avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Hunayn. Vers Hunayn, alors que nous avions récemment quitté la mécréance. Et les associateurs avaient un arbre sur lequel, vous connaissez ce hadith-là, on le retrouve dans les quatre règles. Et les associateurs, ils avaient un arbre sur lequel ils accrochaient leurs armes et ils recherchaient la bénédiction dans cela, dans cet arbre-là, le fait qu'ils accrochent leurs armes et voilà. Et donc ils recherchaient la bénédiction sur cela. Eux, en voyant cela, ils sont passés à côté d'un arbre et ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur donne l'opportunité de faire pareil avec un arbre là, pour faire comme les associateurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Allahu Akbar, ce sont les traditions, vous avez dit par celui qui détient mon âme entre ses mains, comme les enfants d'Israël ont dit à Moussa, fais-nous une divinité comme ils ont une divinité. Il répondit, vous êtes un peuple ignorant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous suivrez certes les traditions de ceux qui vous ont précédé. ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل وبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن يطلبوا هذا الطلب القبيح من نبيهم وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها من دون الله وهذا هو نفس الواقع اليوم فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب والتذكارية وإقامة الماتام وبدع الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك. Dans ce hadith, il y a le fait que l'imitation des mécréants est ce qui a mené les enfants d'Israël et certains parmi les compagnons de Muhammad alayhi salat wa salam à demander cette mauvaise demande à leur prophète de leur faire une divinité afin qu'ils se mettent à l'adorer et à y rechercher la bénédiction en dehors d'Allah. Et ceci est ce qui se passe de nos jours, où la plupart des musulmans ont imité les mécréants dans les actes d'innovation et d'associationnisme, tels que les fêtes d'anniversaire des naissances, la mise en place des jours de la semaine pour des jours de travail spécifiques, et les célébrations des événements religieux et les monuments commémoratifs, l'organisation des funérailles et l'innovation dans les enterrements, la construction sur les tombes, et autre que cela. Donc là, on passe au troisième chapitre. الفصل الثالث موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. Le chapitre 3, c'est la position de la communauté islamique vis-à-vis des innovateurs et la méthodologie des gens de la Sunna et du consensus dans leur réfutation. موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة. La position des gens de la Sunna et du consensus vis-à-vis des innovateurs. ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها وإليك نماذج من ذلك. Les gens de la Sunna et du consensus ne cessent de réfuter les innovateurs en reniant leurs innovations et en les empêchant de la pratiquer. Voici quelques exemples de cela. عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له مالك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. Selon Umm al-Darda qui a dit Abu Darda entra en colère me voir. Je lui ai donc dit qu'as-tu? Il répondit par Allah je ne reconnais en eux rien du tout des enseignements de Muhammad excepté qu'il prie en groupe. Subhanallah. An Umru bin Yahya qala sami'tu abi يحدث عن أبيه قال كنا نجلس عن على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا انكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال وما هو قال إن عشت فستراه قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا. ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوفرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب الضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمر بن سلمة رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. سبحان الله. Donc selon Athar en fait, il est important et il est assez connu. Selon Umar ibn Yahya, c'est le cheikh ici montre comment les salafs réfutaient les innovateurs. Selon Umar ibn Yahya qui a dit, j'ai entendu mon père raconter de son père disant nous étions habitués de s'asseoir sur le seuil de la porte de Abdallah ibn Mas'ud avant la prière du Fajr. Et lorsqu'il sort, nous marchons avec lui vers la mosquée. C'est alors que Abu Musa al-Ash'ari vint à nous disant « Est-ce que Abu Abdurrahman est déjà sorti ?» Nous dîmes non. Il s'est alors assis avec nous jusqu'à ce qu'il sorte. Puis lorsqu'il sortit, nous nous levâmes tous ensemble, il s'est mis à dire « Oh Abu Abdurrahman, j'ai vu tout à l'heure à la mosquée une chose dont j'ai renié et je ne vois par la louange d'Allah que du bien. » Il dit « Qu'est-ce donc ?» Il répondit en disant « Si tu vis, tu le verras. J'ai vu à la mosquée des gens assis en cercle, attendant la prière. Dans chaque cercle, il y a un homme ayant dans leurs mains des galets, des pierres, yani, qui dit « Dites Allahu Akbar 100 fois. » Alors ils disent 100 fois Allahu Akbar. Puis il leur dit, dites la ilaha illallah 100 fois. Alors ils disent la ilaha illallah 100 fois. Puis il leur dit, dites subhanallah 100 fois. Et ils se mettent à dire subhanallah 100 fois. Il dit à Abdallah ibn Mas'ud, ne leur as-tu pas ordonné de compter leurs péchés? Et je leur garantis que rien de leurs bonnes œuvres ne sera perdu. Puis il s'en alla et nous en allâmes avec lui jusqu'à arriver à l'un de ses cercles. En s'y arrêtant devant eux, il dit alors, « Qu'êtes-vous en train de faire ?» Ils répondirent, « Oh Abu Abdurrahman, ce sont des graviers avec lesquels nous comptons les takbirs, les tahlils, les tasbih et les tahmid. » C'est-à-dire, ils comptent le nombre de fois qu'ils disent « Allahu Akbar », qu'ils disent « La ilaha illallah », qu'ils disent « Subhanallah » et qu'ils disent « Alhamdulillah ». Il répondit alors à Abdallah ibn Mas'ud, il dit, comptez plutôt vos péchés, et je vous garantis que rien de vos bonnes œuvres ne sera perdu. Prenez garde, ô communauté de Muhammad, combien est rapide votre égarement. Ceux-ci sont ses compagnons qui sont disponibles et nombreux. Et ceux-ci sont ses vêtements qui ne sont pas usés par le temps. Et sa vaisselle ne s'est pas encore cassée. Par celui qui détient mon âme entre ses mains. Soit vous êtes sur une voie qui est mieux guidée que la voie de Muhammad, soit vous ouvrez une porte de l'égarement. Ils dirent, par Allah, ô Abba Abdurrahman, nous ne voulions que le bien. Ça, c'est la phrase préférée des innovateurs. On ne veut que le bien, mon intention, elle est bonne, mon cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, il est pur, etc. Ils dirent, par Allah, ô Abba Abdurrahman, nous ne voulions que le bien. Il répondit, et combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Vous voyez pourquoi c'est important de maîtriser et de mémoriser ce genre de athar. Ça vous permet de, lorsque vous discutez avec des innovateurs, voilà, des ignorants qui suivent des innovateurs, yani, en utilisant, vous voyez, les différentes répliques que vous pouvez trouver dans ce athar-là. Donc pourquoi tu fais cette chose-là? Vas-tu adorer Allah mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? De deux choses l'une. Soit tu es sur une voie mieux guidée que la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc lui il ne peut pas dire oui, il va dire non. Soit tu ouvres une porte à l'égarement. Vous voyez comment ils sont bloqués? Subhanallah. Vous voyez la science qu'Allah azza wa jalla leur a donnée. Il dit quoi? Ils disent, nous ne voulons que le bien. Il répondit, et combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Il s'avère que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté qu'il y avait un peuple qui récitait le Coran, mais qui ne dépasse pas leur gorge. Dans cela, l'imam Nawawi rahimallah, dans le sharh de ce hadith, avait mentionné qu'il récite le Coran, mais le Coran ne dépasse pas leur gorge et n'atteint pas leur cœur. D'accord ? Donc, eux, ils ont dit, nous ne voulions que le bien. Donc, ils répondirent, Abdallah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et combien veulent le bien, mais ne l'atteignent pas. Il s'avère que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a raconté qu'il y avait un peuple qui récitait le Coran, mais qui ne dépasse pas leur gorge. Oh Allah, je ne sais pas, mais il se peut que la plupart d'entre vous en fassent partie. Puis il se détourna d'eux. Amr ibn Salama, qui rapporte ce athar, dit alors, nous avons vu la majorité d'entre eux nous combattre le jour de Nahrawan avec les Khawarij. Vous voyez, subhanallah, c'est ce qu'on dit. Comment la bid'a mène aux armes. Nassallallahu alayhi wa sallam. Un troisième exemple que le Cheikh Salih Al-Fawzan Hafidhullah mentionne sur comment les savants parmi les salaf salih répondent aux innovateurs. J'ai un rajoul ila l'imam Malik bin Anas rahimahullah faqala min ayna uhrim faqala min al-miqat alladhi waqqata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam وأحرم منه فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه فقال مالك لا أرى ذلك فقال ما تكره من ذلك قال أكره عليك الفتنة قال وأي فتنة في ازدياد الخير فقال مالك فإن الله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نموذج. Ensuite le cheikh dit, on verra ça ensuite ce qu'il dit en pour finir avec ces exemples-là. Donc un homme est venu voir, le troisième exemple, un homme est venu voir l'imam Malik ben Anas, rahimahullah, qu'Allah ait miséricorde sur lui, lui disant, de quel endroit devrais-je me mettre en état de sacralisation? Il répondit, yani pour faire le hajj ou l'amra. Il répondit alors, de l'endroit désigné par l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais d'où il s'est lui-même mis en état de sacralisation. Et l'homme y répondit, Et si je me mettais en état de sacralisation à un endroit plus éloigné que celui désigné? Malik dit alors, je ne vois pas cela comme étant juste. L'homme dit, que détestes-tu de cela? Il répondit, je déteste pour toi la fitna. Il dit, mais quelle fitna dans le rajout de bien? La fitna c'est quoi? La fitna c'est, linguistiquement, c'est le fait de faire brûler l'or à très haute température afin d'en éliminer les impuretés. C'est ce qui désigne les troubles, car c'est pendant les périodes de troubles, les individus destinés à s'égarer seront exposés et tomberont dans la fitna, afin de ne conserver que les sincères suiveurs du haqq. Et selon les textes, la fitna peut également désigner l'égarement, l'associationnisme ou la mort sur une autre religion que l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Donc, en général, on traduit ça, la fitna par les troubles, d'accord? Donc, l'homme dit à l'imam Malik, où devrais-je me mettre en état de sacralisation? Il lui répond, l'imam Malik, rahimallah, de l'endroit désigné par l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'où il s'est lui-même mis en état de sacralisation. Vous voyez, c'est simple. Religion de suivi. Mais l'homme lui dit, et si je me mettais en état de sacralisation à un endroit plus éloigné que celui désigné? Malik dit alors, je ne vois pas cela comme étant juste. Il dit, que détestes-tu de cela? Il répondit, je déteste pour toi la fitna. Il dit, mais quelle fitna y a-t-il dans le rajout de bien? Malik dit alors, Allah le Très-Haut dit, la traduction du sens, que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'un trouble ne les atteigne, qu'une fitna ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ensuite, après lui avoir récité le verset, l'imam Malik rahimahullah lui répond, lui dit en plus, et quel trouble est plus énorme, et quelle fitna est plus énorme que le fait que tu te sois alloué une faveur dont l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fut pas alloué. Vous voyez, subhanallah. Ensuite, le cheikh Salah al-Fawzan hafidhahullah dit, wa hadha namoudhaj. وما زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر والحمد لله. Et cela sont des exemples. Et les savants continuent de renier les innovateurs en tout temps et que toutes les louanges soient à Allah. On va commencer, inshallah, un autre point dans ce chapitre 3 là. La méthodologie des gens de la sunna et du consensus dans la réfutation des gens de l'innovation. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. Donc je pense que, wallahu a'lam, parce que c'est. Quoique non, on va le terminer celui-là, inshallah. On va le terminer et comme ça, la prochaine fois, il nous restera le chapitre 4, inshallah. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. La méthodologie des gens de la sunna et du consensus dans la réfutation des gens des innovations. منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة. Leur méthodologie dans cela est bâtie sur le livre et la sunna. وهو المنهج المقنع المفهم حيث يردون شبه المبتدعة وينقذونها ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة في مقالاتهم المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة وألفوا كتبا خاصة في ذلك كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية وألف غيره من الأئمة في ذلك ك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم في الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. وأما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فهي كثيرة، منها على سبيل المثال. Donc la méthodologie des gens de la sunna et du consensus dans la réfutation des gens de l'innovation est bâtie sur le livre et la sunna. Et ceci est la méthodologie convaincante et persuasive, étant donné qu'il réfute les équivoques des innovateurs tout en l'invalidant, utilisant comme preuve le livre et la sunna avec l'obligation de se cramponner au sunan et avec l'interdiction des innovations et inventions religieuses. Ils ont écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet. Ils ont répondu dans les livres portant sur la croyance aux chiites, aux khawarij, à la jahmiya, aux mu'tazila, aux ash'ira dans leurs propos innovés concernant les fondements de la foi et de la croyance. Ils ont écrit des livres spécifiques à cela, tout comme l'imam Ahmed a écrit le livre « La réfutation de la jahmiya » et autres que lui parmi les imams ont écrit sur ce sujet, tels que Othman bin Saïd al-Darimi, mais aussi dans les livres de Cheikh al-Islam bin Taymiyyah et son étudiant Ibn al-Qayyim, et le Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab et bien d'autres dans la réfutation de ces groupes, ainsi que sur la Qobouriya, c'est-à-dire les adorateurs des tombes, et la Soufiya. Tandis que les livres spécifiques à la réfutation des gens de l'innovation sont nombreux. Parmi ceux-ci, à titre d'exemple, parmi les livres anciens. Donc là, il donne une liste de livres. D'accord ? Et on va terminer avec juste cette liste-là qu'il donne. Il y a donc, il dit, « Min al-kutub al-qadima » parmi les livres anciens, « Kitab al-i'tisam lil-imam al-shatibi » le livre al-i'tisam de l'imam al-shatibi. « Kitab iqtida al-sirat al-mustaqim le shaykh al-islam bin Taymiyya faqad istagharaqa al-rad ala al-mubtadi'a juz'an kabiran minhu » le livre iqtida Sirat al-Mustaqim de Cheikh l'Islam bin Taymiyyah, dans lequel il a réfuté en profondeur les innovateurs dans une grande partie de ce livre. Donc vous comprendrez que, vous voyez, l'I'tisam, Iqtida Sirat al-Mustaqim, ce n'est pas des livres à être traduits en français, ça. Le musulman, il se doit de maîtriser la langue arabe pour les lire en arabe. D'accord ? Parce que la force de la langue arabe, elle est dans ça. Donc, Iqtida Sirat al-Mustaqim, de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, dans lequel il a réfuté en profondeur les innovateurs dans une grande partie de ce livre. Kitab Inkar al-Hawadith wal-Bid'ah li Ibn Waddah. Donc ce livre, le livre Al-Hawadith wal-Bid'ah li Turtushi. Le livre Al-Kitab Al-Ba'ith ala Inkar al-Bid'ah wal-Hawadith li Abi Shama. كتاب منهج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية. Donc le livre منهج السنة النبوية في الرد على الرافضة والقدرية. Dans la réfutation des رافضة et la قدرية. لشيخ الإسلام بن تيمية. ومن الكتب العصرية et parmi les livres contemporains. كتاب الإبداع في مدار الابتداع. Le livre الإبداع في مدار الابتداع de Cheikh Ali Mahfouz. كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات de Cheikh l'Islam, de Cheikh Mohammed bin Ahmed al-Shuqayri. Donc c'est les sunan et les innovations en relation avec les أذكار, les rappels et les prières. رسالة التحذير من البدع. Donc la risale assure la mise en garde contre l'innovation, le Cheikh Abdelaziz bin Baz. ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمعة والندوات والمحاضرات مما له كبير الآثار في توعية المسلمين والقضاء على البدعة وقمع المبتدعين. Donc enfin le Cheikh Salih al-Fawzan Hafidhullah dit « Et les savants musulmans ne cessent, et que toutes les louanges sont à Allah, soient à Allah, de, donc il ne cesse de renier les innovations et réfute les innovateurs à travers les journaux, les magazines, les radios, les prêches du vendredi, les assises et les conférences, ce qui a une grande influence pour faire prendre conscience les musulmans de cela et mettre fin aux innovations et faire taire les innovateurs. Barakallahu fikoum, on va s'arrêter aujourd'hui sur ce point-là pour aujourd'hui et on va continuer la suite à partir de samedi. À partir de samedi, inshallah, à 20h heure française, on terminera avec le chapitre 4, inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.